Ézéchiel chapitre 31. Il arriva aussi en la onzième année, au premier jour du troisième mois, que la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, « Fils d'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à la multitude de son peuple, à qui ressembles-tu dans ta grandeur ? Voici, le roi d'Assyrie a été tel qu'est un cèdre au Liban, ayant de belles branches, et des rameaux qui faisaient une grande ombre, et qui étaient d'une grande hauteur. Sa cime a été fort touffue. Les eaux l'ont fait croître, l'abîme l'a fait monter fort haut, ses fleuves ont coulé autour de ses plantes, et il a envoyé les conduits de ses eaux vers tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa hauteur s'est élevée par-dessus tous les autres arbres des champs, ses branches ont été multipliées, et ses rameaux sont devenus longs par les grandes eaux, lorsqu'il poussait ses branches. Tous les oiseaux des cieux ont fait leur nid dans ses branches, et toutes les bêtes des champs ont fait leurs petits sous ses rameaux, et toutes les grandes nations ont habité sous son ombre. Il était donc devenu beau dans sa grandeur, et dans l'étendue de ses branches, parce que sa racine était sur de grandes eaux. Les cèdres qui étaient au jardin de Dieu, ne lui ôtaient rien de son lustre, les sapins n'étaient point pareils à ses branches, et les châtaigniers n'égalaient point l'étendue de ses rameaux, tous les arbres qui étaient au jardin de Dieu, n'ont point été pareils à lui en sa beauté. Je l'avais fait beau dans la multitude de ses rameaux, tellement que tous les arbres des dents, qui étaient au jardin de Dieu, lui portaient envie. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, dit ainsi, « Parce que tu t'es élevé en hauteur, comme celui-là, qui avait sa cime toute touffue, a élevé son cœur dans sa hauteur. Et je l'ai livré entre les mains du plus fort d'entre les nations, qu'il a traité comme il fallait, et je l'ai chassé à cause de sa méchanceté. Et les étrangers, les plus terribles d'entre les nations, l'ont coupé, et l'ont laissé là, et ses branches sont tombées sur les montagnes, et sur toutes les vallées, et ses rameaux se sont rompus dans tous les cours des eaux de la terre, et tous les peuples de la terre, se sont retirés de dessous son ombre, et l'ont laissé là. Tous les oiseaux des cieux se sont tenus sur ses ruines, et toutes les bêtes des champs se sont retirées vers ses rameaux. C'est pourquoi aucun arbre arrosé d'eau ne s'élève de sa hauteur, et ne produit de cime touffue, et les plus forts d'entre eux, même de tous ceux qui hument l'eau, ne subsistent point dans leur hauteur, car eux tous sont livrés à la mort dans la terre basse parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, le jour qu'il descendit au sépulcre, je fis mener deuil sur lui, je couvris l'abîme devant lui, et j'empêchai ses fleuves de couler, et les grosses eaux furent retenues, je fis que le Liban fût en deuil à cause de lui, et tous les arbres des champs en furent fatigués. J'ébranlai les nations par le bruit de sa ruine, quand je le fis descendre au sépulcre, avec ceux qui descendent dans la fosse, et tous les arbres des dents, l'élite et le meilleur du Liban, tout humant l'eau, furent rendus contents au bas de la terre. Eux aussi sont descendus avec lui au sépulcre, vers ceux qui ont été tués par l'épée, et son bras, c'est-à-dire, ceux qui habitaient sous son ombre parmi les nations, y sont aussi descendus. À qui donc as-tu ressemblé en gloire et en grandeur entre les arbres des dents? Et pourtant tu seras jeté bas avec les arbres des dents dans les lieux profonds de la terre, tu seras gisant au milieu des incirconcis, avec ceux qui ont été tués par l'épée. C'est ici Pharaon, et toute la multitude de son peuple, dit le Seigneur, l'Éternel.